Les petites histoires de Tell Me. Un été ailleurs, épisode 1. Moi, c'est Kian. À la fin du CM2, mes parents m'offrirent le plus beau des cadeaux, le grand air. On déménageait à la campagne. La ville, je n'ai jamais aimé. Trop de gens, de bruit, d'odeurs bizarres. Pas assez d'espace, de couleurs et de nature. Quand ils m'annoncèrent la nouvelle, j'ai sauté si fort dans leurs bras qu'on a failli tomber. J'avais tout un été pour explorer mon nouveau terrain de jeu. Enfin, pas vraiment nouveau. Notre nouvelle maison, c'est notre maison de vacances. Du genre à donner des couleurs et dessiner des sourires. Tout en poutre et en pierre blanche, avec un immense jardin tout fouillis où j'ai construit mon château, au sommet du vieux chêne planté à côté de la mare, avec un plongeoir pour s'échapper. À notre arrivée, pendant que les parents dirigeaient le balai des cartons, j'ai filé dans le jardin. Il y a un petit sentier biscornu qui vous offre des images qu'on a envie d'accrocher dans des tableaux. Mais rien ne vaut la vue depuis ma forteresse. De là-haut, je vois tout mon royaume. Je passe des heures à l'inspecter. C'est bien plus cool que la télé. Une tache de couleur accrocha mon regard. Ça venait de la ferme abandonnée juste à côté de chez nous. Un jeune garçon se tenait dans le jardin. Ses cheveux roux en pétard ressemblaient à des flammes. Il portait un sweat à capuche jaune Pikachu, un pantalon bleu électrique et des chaussures trop blanches. Il me fixait. Je lui ai lancé un coucou timide. Il m'a renvoyé un regard qui m'a fait l'effet d'un glaçon qu'on vous glisse dans le slip. Puis il est rentré chez lui en claquant la porte. Sérieusement? On se connaît même pas? C'est quoi son problème? Un coup de klaxon détourna mon attention. Les déménageurs partaient. En fin de journée, j'étais dans la forêt de carton de ma chambre quand on sonna. Une dame, plus radieuse qu'un soleil, nous apportait une tarte débordante de framboises. C'était notre nouvelle voisine. Elle avait emménagé il y a quelques semaines. Cachée derrière elle, son fils, celui du jardin. Les sourcils froncés, les mains dans les poches, le regard fuyant, il n'avait vraiment pas l'air ravi d'être là. Il s'appelait Néon. On s'est installé dehors. Néon resta à l'écart, assis sur les marches de l'entrée. Même si j'avais peur qu'il me tue du regard, je lui ai proposé d'explorer le jardin. Il soupira, mais me suivit. J'avais beau lui montrer tous mes trésors, il ne décrochait pas un mot, ni un sourire, même face à mon château. Je me sentais un peu idiot. Quand ils repartirent avec sa mère, mes parents m'expliquèrent que Néon avait le mal de chez lui. Comme moi, il venait d'une grande ville, sauf qu'il n'aimait pas être ici. Le lendemain matin, j'enfourchai mon vélo pour foncer à la boulangerie. Elle était toujours prise d'assaut, alors quand je réussis à avoir le dernier pain au chocolat, j'étais super fier. J'entendis soupirer. C'était Néon. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il a fixé mon pain au chocolat, je lui ai tendu, il a refusé, j'ai insisté, il a eu l'air gêné, j'ai souri. Il a pris la viennoiserie et s'est enfui. Sur le chemin du retour, je pédalais super lentement, je pensais à cette truffe de Néon et il aurait pu dire merci. Un bruit de sonnette me tira de mes pensées. C'était Néon. Il me faisait signe de l'attendre. Sérieusement? Après tout ce qu'il m'avait fait? J'avais pas du tout envie de le voir. J'ai accéléré, mais il m'a suivi. Je me suis dressé sur les pédales pour le distancer. Mais il me rattrapait. Pas grave, j'allais le semer à travers la forêt. J'ai foncé à travers les arbres. Juste un coup d'œil en arrière, je vis qu'il me talonnait. Et d'un coup, mon vélo s'arrêta net. Le décor se renversa, j'eus l'impression de voler. Tout devint noir. En ouvrant les yeux, j'avais mal. Partout, un gros tas de feuilles humides avait amorti ma chute. Je sentais des trucs qui grouillaient sur moi. Je n'osais pas bouger, il faisait trop sombre. « Je vais te sortir de là! Tiens, attrape !»« Néon ?» Il me jeta une vieille corde. « Grimpe! T'es sûr que ça va tenir ?»« T'inquiète, elle est accrochée à un rocher, et puis je vais te tirer pour t'aider !» Je m'étais hissé jusqu'à mi-chemin lorsque la corde s'est brusquement détendue. Une ombre hurlante me tomba dessus. En percutant le sol, j'eus l'impression d'être sous un tas de copains qui m'auraient sauté dessus. Néon se dégagea et s'assit à côté de moi. « Désolé, la corde s'est cassée, j'ai essayé de résister et puis... »« Pas grave, on va sortir d'ici. » Impossible de me lever. J'avais 90 ans. « Au fait, merci pour le pain au chocolat. »« De rien. » »« Dis, pourquoi tu m'as lancé un regard aussi méchant quand j'étais dans mon château ?» T'avais l'air heureux dans ta cabane. Moi, j'aime pas ici. Y a rien à faire. Et puis, Internet est trop lent pour jouer en ligne. On commençait à tâtonner dans le noir pour trouver un moyen de sortir. C'est pas en ville qu'on vivrait ça. Coincé dans un trou? C'est vrai, c'est trop bien. Attends! Tu sens ça? C'est de l'air! Ça venait d'un tas de pierres. En s'y mettant tous les deux, on découvrit un tunnel, assez grand pour qu'on s'y faufile en rampant. On ne voyait aucune lumière au bout, mais on n'avait pas le choix. Je passais en premier, suivi de Néon. Il faisait si chaud qu'au bout de 5 minutes, nous étions 2 flaques d'eau. Le tunnel était interminable. Au moment où mon corps me suppliait de m'arrêter, mes doigts rencontrèrent des planches en bois pourri. Sans forcer, elles tombèrent. On était sauvés, mais plongés dans la pénombre d'une pièce qui sentait la poussière et le vieux champignon. Un coin de mur était zébré de lumière. Une fenêtre. Quand on l'ouvrit, l'air frais nous a remplis d'énergie. On était dans une sorte de vieille chambre. Tout était figé sous une épaisse couche de poussière. Un vieux matelas était posé par terre à côté d'un tas de bric-à-brac. Sous la fenêtre, une petite table où était posé un bac crasseux, une pile de livres et plusieurs boîtes en métal. Dessous, une vieille malle. On avait fait une incroyable découverte, mais la réalité nous donna une pichenette. « Nos parents, ils vont s'inquiéter !»« Oh punaise, t'as raison! Mais il faut qu'on revienne! Cet après-midi? Carrément !» Retrouvez la suite des aventures de Kian et Néon jeudi prochain. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !